me chercher quand j'ai pas envie. C'est bien le genre de ma vieille copine à toujours vouloir ce que je ne veux pas. Pas besoin de nana pour me sentir bien. Pas besoin de nana pour vivre mes passions. Pas besoin de nana qui me gâche la vie. Si les nanas ne sont plus là, c'est la liberté. Car je veux pas de nana qui me foute la zone. Toujours prête pour ses copines, jamais d'accord avec mes amis. Je peux même plus écouter ma musique. Pas besoin de nana pour me sentir bien. Pas besoin de nana pour vivre mes passions. Pas besoin de nana qui me gâche la vie. Si les nanas ne sont plus là, c'est la liberté. Car je veux pas de nana qui me foute la zone. Zone.